إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني كما اتفقنا عليه كم convenu إن شاء الله، وفير تلخيص des dernières masailles qu'on a pris depuis la 40e jusqu'à la 79e pour poursuivre par la suite إن شاء الله. من باب المراجعة، فمما أخذنا من المسائل السابقة، on a pris la 40e مسألة qui était جحود الرب سبحانه وتعالى، qu'il renie le Seigneur سبحانه وتعالى. Et ça, ça revient principalement au athée, et on a dit que le précurseur de cette croyance était Pharaon. المسألة الثالثة وأربعين جهودهم لقدر الله، qui refuse le قدر, le قدر, le destin. المسألة الرابعة وأربعون الاعتذار عن كفرهم بأن الله قدره عليهم، qui prétexte et justifie leur mécréance comme quoi Allah l'aurait prédestiné. والمسألة الخامسة وأربعون دعواهم التناقض بين شرع الله وقدره، qu'ils prétendent qu'il y a ici contradiction entre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et ce qu'il a prédestiné. C'est-à-dire qu'eux, ils disent que Allah nous a légiféré de faire le bien et nous prédestine de faire le mal. Donc cela s'oppose. المسألة السادسة وأربعون نسبتهم الحوادث إلى الدهر ومثبته لهم، que eux ils attribuent tous les faits qui se déroulent comme venant au temps, que c'est le temps qui fait tout cela. Là ça revient encore à Ashab, les gens de l'évolution, la théorie de l'évolution, les Rayl al-Zalika. Et en même temps cela est du chic dans la Rububiya, car ils ont fait du dahr, du temps, ils en ont fait un créateur. Donc elles disent qu'il n'y a pas de créateur, tout est lié au temps, on vient, on vit, et après tout est fini. هذه من مسائلهم. ثم قال في المسألة الخامسة وأربعين أو بل السادسة وأربعين عفوا المسألة السابعة وأربعون كفرهم بنعم الله، qui sont ingrats envers les bienfaits d'Allah سبحانه وتعالى. المسألة الثامنة وأربعون كفرهم بآيات الله جملة، qu'ils mécroient au verset d'Allah de façon générale. Ça, c'est le cas des mouchrikoun. والمسألة التاسعة وأربعون كفرهم ببعض آيات الله، qu'ils mécroient en certains versets d'Allah. Ça, c'est le cas des Al-Kitab, le genre du livre. المسألة الخمسون جهودهم إنزال الكتب على الرسل، qu'ils renient le fait que Allah SWT a descendu des livres sur les messagers. ثم قال في المسألة الحادية والخمسين سكوتينية مسألة وصفهم للقرآن بأنه كلام بشر، qu'ils ont décrit le Coran comme étant la parole d'un être humain et non pas un livre divin. Donc si l'on dit pour le Coran, à plus forte raison on veut le dire également pour la Torah ou l'Injil. Et les kuffars, c'est connu, ils disent qu'est-ce qui me prouve que c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, et après ils vont chercher des contradictions. Déjà ils parlent même pas l'arabe. Ils vont prendre des versets comme ça dans le sens relatif rapproché traduit en français. Ils disent ce verset contre ce verset s'oppose à ce verset-là. Et ils comprennent rien du tout. Mais en réalité, ce qu'ils veulent, ils cherchent pas la vérité, ils cherchent justement à trouver la faille. Donc Allah les égare, il leur fait voir ce qu'ils imaginent être une faille. Ce qui leur rajoute encore plus de kufr à leur kufr. في المسألة الثانية والخمسين نفيهم الحكمة عن أفعال الله، qu'il refuse d'admettre la sagesse d'Allah dans ses actes. Que ce que Allah fait est dénué de sagesse pour eux. Al-mas'ala al-thalitha wal-khamsun. Tahayyuluhum li-ibtal shar'illah. Qu'il triche afin de pouvoir supprimer ou annuler ou faire disparaître la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mas'ala al-rabi'a wal-khamsun. الإقرار بالحق للتوصل لدفعه، qui reconnaissent la vérité au pouvoir le repousser. C'est-à-dire qu'ils se font passer pour, comme ce fut le cas des Al-Kitab, les Yahoud, qui se sont convertis pour pouvoir par la suite repousser et combattre l'islam de l'intérieur et en faire sortir les gens. المسألة الخامسة والخمسون تعصبهم لما هم عليه من الباطل le fanatisme du faux sur lequel ils se trouvent et s'y accrochent المسألة السادسة والخمسون تسميتهم التوحيد شركا qu'ils nomment le توحيد comme étant le shirk c'est-à-dire ils appellent le haq comme étant le faux يعني quand tu les appelles à l'islam est-ce que tu appelles que tu les appelles à Adouaï Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il y avait une chouette comme ça qu'on avait entendu par rapport au fait de mettre la sutra pour faire la salat, il y en a, ils ont dit que mettre une sutra, ça amenait à se prosterner devant un wafan, un idole, une idole. Et ça, c'est complètement absurde. Thumma, fil mas'ala al-sabi'a wa thamina. Aywa. Al-mas'ala al-sabi'a wa thamina wa al-khamsun. Al-tahrif wa layyu al-as'ina Ça, c'est le fait que il déforme et change la lecture du livre et modifie son sens. Al-mas'ala at-tasi'a wa al-khamsun. Talqibuhum ahlul haqq bil-alqab al-munaffira. Qui surnomment les gens de la vérité, leur attribuent des sobriquets qui font fuir les gens. Aujourd'hui, parmi les sobriquets qu'on entend également, enfin aujourd'hui depuis un petit moment quand même, que l'on attribue aux gens de la Sunna, c'est El Wahhabiyya. Ça, c'est ce qu'il y a de plus connu. El Wahhabiyya. El Mas'alatan al-Sittun wal-Hadi wa Sittun. Iftira al-Kazib al-Allah wal-Takzib bil-Haq. Qu'il forge des mensonges sur Allah et qu'il démonte la vérité. El Mas'ala al-Thaniya wa Sittun. Istinfar al-muluk did al-haq, qui soulève les autorités, c'est-à-dire les rois, les gouverneurs, contre les gens de la vérité, car ils n'ont plus d'arguments pour faire face, donc ils utilisent la force, comme on dit. Et ça, c'est valable, même si ce n'est pas qu'avec les gouverneurs, toute personne qui a autorité, qui a une force, s'en sert pour pouvoir s'en prendre aux gens qui ont la vérité, car ils n'ont plus d'arguments pour faire face. Al-mas'ala al-thalitha wa rabi'a wa al-khamisa wa sadisa wa sabi'a wa sittun. Ramihim al al-haq bima hum bura'a minhu. Ils accusent les gens de la vérité de ce dont ils sont innocents. Bah, mathalan, titre d'exemple, al-Wahhabiyya. Le fait d'attribuer les salafis, les gens de la sunna, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui n'a jamais appelé à cela, et qui n'a jamais appelé à se financer pour lui, et qui n'a jamais eu de ménage sectaire. Ta'azzub. Donc le fait de s'appeler Wahhabi, c'est un mensonge. Mais quand quelqu'un t'appelle Wahhabi, sache que c'est déjà une alamat. Comme dit Hacham Mokbil, que tu as affaire à deux sortes de personnes. Soit un ignorant qui ne sait pas, qui a entendu cela, il répète ce qu'il a entendu, il faut lui apprendre, Inch'Allah va se corriger. Ou alors tu as affaire à quelqu'un qui a du higd, de la haine envers le ménage salafi, envers les gens de la sunna. Donc il cherche à la dénigrer, et ça revient au masala de la jahiliya, qu'on avait expliqué, le fait de leur accorder des sobriquets pour faire fuir les gens. Ava, tamam. Thumma qal, madhuhum anfusahum bima laysa fihim. Qu'ils se vendent de ce qui n'est pas en eux. Al-mas'ala tasi'a wa sittun wa sab'un. Qui sont ziyaratuhum fil ibada ala masharahullahu wa naqsuhum minha. Qu'ils ajoutent à la religion ce qu'Allah n'a pas légiféré et qu'ils en enlèvent. Qu'ils la réduisent en en ôtant des choses qui en font partie. C'est-à-dire, ils rajoutent et il le retire. Ils en retirent. Al-mas'alatan al-thaniya wa thalitha wa sab'un. Taqarrubuhum ila Allah bi tark at-tayyibat min rizq wa bi tark az-zina. Qu'ils se rapprochent d'Allah en délaissant les bonnes choses du risque et en délaissant les parures. Et quand on disait les parures, c'est le fait, ce n'est pas dans sans takallouf, sans se forcer. C'est-à-dire, tu t'habilles bien, tu te fais propre, tu es beau sur toi-même, sans takallouf, sans te forcer. En fonction de tes moyens. Celui qui a beaucoup de moyens, alhamdoulilah, et celui qui en a moins, c'est relatif. D'accord? Sans se forcer. Faut que ça reste dans les moyens de la personne. Et sans israf, sans gaspillage. Également. Voilà tout sur les vous, fa'inna Allaha la yuhibbul musrifin. Ne gaspillez pas, car Allah n'aime pas ceux qui gaspillent. Fuma qal, da'watuhum an-nas ila al-dhalal, fil mas'ala al-rabi'a wa sab'in. Qu'ils appellent les gens à l'égarement. Ça, c'est ceux qui appellent sans science. والمسألة الخامسة وسبعون دعوتهم الناس إلى الكفر مع العلم. Là, c'est ceux qui appellent les gens à la mécréance, mais en connaissance de cause. C'est-à-dire que là, ils ont la science de ce qu'ils font, ils savent très bien ce qu'ils font. المسألة السادسة وسبعون المكر الشديد لتثبيت الشرك ودفع الحق. Qu'ils complotent durement pour pouvoir raffermir et instaurer le shirk et pour pouvoir repousser la vérité. المسألة السابعة وسبعون اقتداؤهم بمن لا يصلح للقدوة. Qu'ils se font mener, qu'ils prennent comme chef, qu'ils prennent comme chef et meneur des gens à qui ce titre ne revient pas, qui ne conviennent pas à avoir cette responsabilité. المسألة الثامنة وسبعون تناقضهم في محبة الله. Qui sont contradictoires dans leur prétention d'amour envers Allah. Qui disent aimer Allah subhanahu wa ta'ala et ne l'obéissent pas. المسألة التاسعة وسبعون اعتمادهم على الأماني الكاذبة. Qu'ils se basent sur des prétentions mensongères. Comme par exemple le fait qu'ils aient dit que le feu ne les touchera que quelques jours. أو لا يدخل الجنة إلا من كان هودا. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Que seuls entreront au paradis les Yahoud ou les Nassar. Quelqu'un qui est un Yahoudi ou quelqu'un qui est un Nasrani. طيب سنحاول نأخذ شيئا من المسائل اليوم. زائدة هل هذا التلخيص. نزيد إن شاء الله. المسألة الثمانين. 80e مسألة. قال علوهم في الأشخاص. L'exagération qu'ils apportent aux individus. Yani, il y a 10 masala, on l'a déjà pris auparavant, mais là, il y a une distinction par laquelle se différencie. Qui va, Inch'Allah, qui va apparaître dans l'explication. Quand on a ittikhadh qubur al-anbiya'ihim wa salihihim masajid. Qu'ils prennent, là, c'est dans la ibada, en fait. Qu'ils prennent les tombes de leurs messagers et des gens pieux comme lieu d'adoration, comme masajid. Et un tambi à savoir que Oslo et Shirki Jaha min hadal bab. El roulou fil ashras. La base du shirk est venue par ce fait. L'exagération dans les personnes. Kamadja fi kitab tawhid. C'est le bab au shirk, c'est le roulou fil salihin. Wal anbiya. Wa ghayr dhalika min makhluqatillah. Donc on a expliqué le roulou, huwa al tajawuz. Hein, le roulou, c'est le fait de dépasser les limites, d'en faire trop. Après, ça peut être interdire ce qu'Allah n'a pas interdit, exagérer, ou le contraire, exagération dans le tahlil, ou dans la ribada, en faire trop. C'est du roulou aussi. Quelqu'un qui en fait trop dans la ribada, il en fait trop. Mais là, le roulou dans l'ashras, hadha min asas, yani, abwab al-shirk. Tayyib. Qala fi sharh. مما عليه أهل الجاهلية من أهل الكتاب وغيرهم اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد وهذا كان لا يزال عند اليهود والنصارى عند مشرك العرب وعند مشرك العرب وعند المنتسبين للإسلام ممن يعبدون القبور والأضرحة. Donc parmi les choses sur lesquelles se tiennent les gens de la Jahiliya également, parmi les gens du livre مثلاً ou autres, qu'ils prennent les قبور de leurs أنبياء et des gens pieux comme Masajid, lieu d'adoration. Et cela est toujours présent jusqu'à ce jour chez les Yahoud, chez les Nasara, chez les Mushrikin des Arabes, et également chez les gens qui s'apparentent à l'islam, qui adorent les Qubur, comme on trouve chez les Soufiyas, Mathalen, ou d'autres égarés. Wa al-kitab hum awwal man fa'ala dhalika. Donc les premiers à avoir agi de la sorte sont les gens du livre. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur al-qubur masajid. Ala fala tattakhizu al-qubur masajid. Il dit que ceux d'avant vous, ceux qui étaient d'avant vous, en visant là les communautés qui avaient un livre, prenez les tombes comme lieu d'adoration. Donc ne le faites pas, ne prenez pas ces tombes comme lieu d'adoration. Pour y faire par exemple la salat, pour y faire les du'a ou autre. D'ailleurs, مثلا من هذا الباب, la salat dans le il n'est pas permis de faire la salat dans le makbara, hormis la salat janaza. Faire une salat par exemple normale, une salat qui a tous les jours comme le fajr ou le dhuhr ou l'asr ou ghayr dhalika, dans le makbara ce n'est pas permis. لأن هذا وسيلة إلى الشرك. Alors que dire de celui qui l'adore. Quand il adore la tombe, il adore la personne qui est dans la tombe. Et cette adoration, même si lui ne la reconnaît pas comme étant comme telle, on dit le fait que tu l'invoques, même si par là tu recherches qu'il soit un shafi pour toi, c'est une ibad. Car tu l'invoques. Wa qala ta'ala wa la tad'u ma'allahi ahada. Wa innal masajida lillah fa la tad'u ma'allahi ahada. Que les masajides sont pour Allah, les lieux d'adoration sont pour Allah, n'invoquez avec Allah personne. N'invoquez personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Personne. Donc, ce fut le cas des gens de El-Kitab. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Salama et Habiba, qui étaient en Habasha, lui décrirent les églises qu'elles virent là-bas, avec les images qu'elles contenaient, les figurines, les statuettes, ou les alika, mazakal. Quand les oulaïka koumou, iza mata fihim rajoul salih, ou al-abdu salih, banu ala kabrihi masjida, wa sabwaru fihi tilka suwar, oulaïka sharrar al-khalq inda Allah. Il dit cela lorsque un homme pieux de chez eux meurt, ou un serviteur pieux de chez eux meurt, il bâtit sur sa tombe un lieu d'adoration, un masjid. Et la masjid, c'est âme. La même salène Kanisa, à la base, on peut l'appeler masjid, parce que c'est un lieu d'adoration. Mais aujourd'hui, c'est un lieu où autre que Allah est adoré et invoqué. Et justement, ils y confectionnent ces images. Ceux-là sont les pires de la création pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, c'est également parmi les avertissements sévères envers ceux qui façonnent des images. هذا من أدلة التحريم تحريم صور ذوات الأرواح interdiction de faire des représentations d'être doté d'âmes. Donc là, ceux qui justement vont vers les coubours et leur font des actes d'adoration, tamam, هؤلاء وقعوا في الشرك وقعوا في الشرك مهما حصل. Celui qui n'a pas eu l'argument parmi eux, qui est par exemple quelqu'un qui vient de loin, qui est tout nouveau en islam, qui n'a pas appris, qui ne connaît pas ces choses-là, ce qu'il a fait, ça s'appelle du shirk. On ne nie pas. Après, est-ce qu'il est excusé ou pas, ça c'est notre affaire. Ah ben, ceux qui parlent l'arabe, le Coran leur est parvenu, surtout ceux qui il y a des pays où il y a des ulama, où il y a des du'at ila Allah, ha ou la, kad uqimat al hujja alayhim. Ceux-là, l'argument leur a été attribué, leur a été exposé, démontré. Taïb. ثم نأخذ المسألة الحادية وثمانين 80e مسألة قال الغلو في آثار الأنبياء. Donc là, c'est l'exagération dans les traces des أنبياء. هذا الفرق. هذا الفرق مع المسألة السابقة. Là, c'est qu'ils exagèrent dans les traces des أنبياء. Ce que les أنبياء ont laissé derrière eux comme trace, comme rappel dans les lieux. قال اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر comme ذكر عن عمر رضي الله عنه, qu'ils prennent les traces de l'anbiya, c'est-à-dire les lieux où par lesquels sont passés l'anbiya, comme lieu d'adoration, comme cela fut rapporté de Omar, c'est-à-dire qu'il a cité ittikhaz afar anbiya masajid, l'expression vient de lui. قال الشيخ الفوزان في شرح من دين الجاهلية ittikhaz afar anbiya masajid. Donc parmi la religion de la jahiliya, le fait de prendre les traces des anbiya comme étant des masajid. Et yusalluna indaha tabarrukan biha. Donc, c'est-à-dire qu'ils prennent ces lieux, et ils y accomplissent la salat ou d'autres formes d'adoration, en y cherchant la baraka. Ils se disent, le messager est passé par là, le prophète est passé par là, alors il y a une baraka en ce lieu. Wa al-farqu bayna hadhi wa allati qablaha, anna allati qablaha ghulu fil ashras, wa hadha ghulu fi athar al ashras. Donc, il dit la différence qu'il y a entre cette masala et la précédente, c'est que celle d'avant, c'est un rouleau dans l'individu en soi. Et là, c'est un rouleau dans les traces de cet individu. C'est ça la différence entre les deux. فقال والآثار جم آثار وهو المكان الذي جلس فيه نبي أو صلى فيه. Donc le آثار, آثار, là dans le sens voulu ici, l'آثار, c'est les traces. T'as même les traces, les sites. C'est le lieu où par lequel le prophète est passé, là où il s'est placé, là où il a été, ou dans lequel il a fait salat. Donc eux, ils cherchent ces lieux-là pour y adorer Allah subhanahu wa ta'ala en pensant que la salat qui est accomplie, elle est meilleure. Il y a plus de mérite. Donc c'est pour ça aujourd'hui ils vont, mathalan, à la caverne de la Ghar, celle où Jibril alayhi salam est descendu pour apporter les premiers versets, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait les adorations avant que le messager ne lui, avant que le message ne lui parvienne. Donc ils y vont pour faire des doigts, pour y faire la salat. Alors qu'il n'est connu qu'aucun des sahaba n'âge de la sorte. Le lieu le connaissait. Le lieu était à proximité de leur lieu de vie. Et pourtant, ils n'ont pas âge de la sorte. Tamam. Également, Jebel al-Thawr. Celle où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était caché avec Abu Bakr lorsqu'il a fait la hijra et que les mouchikoun le recherchaient. Donc là, comme Cheikh Al-Faymin dit dans son ta'liq de Iqtida al-Sirat al-Mustaqim, il dit que si jamais tu vas là-bas en guise de souvenir et pour la visite, c'est-à-dire pour voir le lieu, les ajl tasawwur, azama fi ma'zur, c'est pas interdit. Mais si tu y vas en cause de ibada et que ce lieu pour toi contient une baraka qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que tu n'as pas de preuve, là tu ouvres une bab au shirk. Et tu rentres dans cette mas'ala là. C'est ça qui est interdit. C'est dans ce lieu-là, avec une croyance que ce lieu est mubarak, que c'est un lieu qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est un lieu où il est légiféré, où il est préférable, recommandé, d'y accomplir des adorations. Hada wal maqsoud min ahl al-bab. Donc les gens de l'Jahiliya agissaient de la sorte avec leur anbiya. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cela que Omar ibn Abdul Khattab, radiallahu anhu, a fait ordonner de couper l'arbre sous lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la bay'a, sur lequel les sahaba on lui ont porté allégeance. Avant que les gens ne prennent cet arbre comme un lieu de ibadah, il l'a coupé. D'accord? Car l'arbre lui-même n'avait aucune signification. Il aurait pu faire ça en un autre lieu. Ça n'aura pas changé la situation par rapport aux sahaba. Le fadl, c'est dans les sahaba, pas dans l'arbre. L'arbre lui-même n'était qu'un lieu. Donc de là, lorsqu'il a vu les gens qui commençaient à s'ameuter autour de cet arbre, il l'a fait couper. Pour couper court à toute forme de shirk qui pourrait se produire à l'avenir. Donc là, le shiri dit, il y a une différence à faire entre les lieux déterminés par les anbiya, dans lesquels il y a des khasa'is dans l'ibada. Ce lieu est connu pour avoir plus de fadl, comme mathalan, la salat, dans Masjid al-Haram, ou dans Masjid al-Nabawi, ou dans Bayt al-Maqdis. Il y a des lieux comme ça, il y a des adil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité d'y faire l'adoration. Ça, oui, c'est légiféré. Mais d'autres lieux quelconques par lesquels il est passé, sans viser le lieu en soi, mais que, on va dire que le temps a coïncidé avec l'heure de la salat, il a fait salat après la repartie, ces lieux-là sont des lieux, yani, ils n'ont pas de vertu, plus que d'autres. Les lieux attitrés pour les ibadah dans lesquels elle est mustahab, il y a besoin d'un dalil, un 36, un texte. Quand il n'y en a pas, taïeb, ce lieu-là n'a pas de privilégié sur les autres. Si tu passes par ce lieu-là, c'est l'heure de la salat, fais-la. Mais maintenant que tu partes et tu vises ce lieu pour faire une ibada, là, tu tombes dans le mahzour. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yushad ar-rihal, il est le masajid des salafa. Qu'il n'y a pas de voyage, si ce n'est pour aller dans les trois masajid. Qui sont masjid al-haram à Mecca, le masjid al-nabawi al-medina, et le masjid al-aqsa, le bayt al-maqdis, qui est actuellement en Palestine. Les sahaba n'ont pas agi de la sorte. Donc ça revient bien à ce ménage béni qui est le fait de prendre une religion comme eux l'ont comprise. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils savent qu'il y avait une chose à ne pas faire. Donc comment nous on va arriver, on va comprendre mieux qu'eux. Ce n'est pas possible. Car c'est eux que Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, a vanté. Et c'est eux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vanté. Et c'est eux qui étaient avec lui, c'est eux qui l'ont vu, c'est eux qui comprennent la langue arabe parfaitement. Et c'est eux qui étaient présents lorsque la révélation est descendue. Ce sont les premiers à avoir cru en lui. Et à l'avoir secouru, à l'avoir abrité. Donc nous, on va arriver aujourd'hui, on va dire aujourd'hui, d'après eux, et faire ce qu'eux n'ont pas fait en religion. C'est une chose qui est totalement, mais totalement rejetée en religion. Et là, il convient aux musulmans, ils amènent, wajiban, qat'an, an yakun ala ittiba' al-salaf, qui suivent les salafs. Ça, c'est une obligation. Celui qui ne suit pas les salafs, même s'il n'est pas ignorant, c'est un mubtadi'a. L'ignorant peut être excusé si l'argument ne lui a pas été démontré. Celui qui s'y refuse, c'est un mubtadir, si ce n'est pas pire que cela. Après, ça dépend en quoi elle amène sa bid'a. Quand il y a des bid'a, elles amènent à tomber dans le kufr. Wali azubillah. Enfin, aujourd'hui, après la mouraja'a, on a pris deux mas'ala, qui est rouluhum fil ashras, l'exagération qu'ils ont dans les individus, ce qui les amène à les adorer par la suite. Qu'ils s'en rendent compte ou pas, ce qu'ils font, ça s'appelle ibadah. Kad du'a li ghayrillah. Et le deuxième, elle roule fi afar al-anbiya. Elle roule fi afar al-anbiya. C'est-à-dire qu'ils exagèrent dans les traces des anbiya. Par contre, une chose qui est vraie, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana yutabarrak bi afarihi. Al-Sahaba, il a cherché la baraka auprès des choses qui reviennent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme le contact, le toucher, ses vêtements, sa sueur, sa salive, ses cheveux. Naam. Mais là, depuis là, quand même, il n'y a plus rien qui reste comme trace de lui. Plus rien. Ceux qui prétendent qu'on a encore des cheveux à lui sont des menteurs. Ceux qui prétendent qu'on a encore telle et telle chose à lui sont des menteurs. Il ne reste plus rien de lui. Du moins, je parle du côté matériel. Eh bien, sa da'wa, elle est toujours là, bien évidemment. À comprendre mes paroles. Que sa religion, elle demeure. Mais je parle des choses qui sont liées au côté matériel, au côté palpable. Il n'y a plus de vêtements à lui qui restent, il n'y a plus d'instruments à lui qui restent, il n'y a plus rien d'outils à lui qui reste. Tout a disparu. Pour pouvoir préserver la communauté, de se mettre à adorer ces choses-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dora. Qu'il a dit, oh Allah, ne fais pas de ma tombe un lieu de qui sera adoré. Donc là, les gens qui ont le pouvoir ainsi que les ulama ont bien fait en sorte que ça tombe. Il y aura toujours des individus qui vont chercher la faille pour tomber dans l'erreur. Mais en tout cas, ce dua, en lui-même, s'est réalisé dans le fait que quoi, toutes les causes ont été faites pour pas que ça arrive. Quand même, toutes les causes ont été faites pour pas que ça arrive. Après, ce qui arrive à des individus en particulier, ça, c'est une autre affaire. Fabien Dalcon, Naktafi, Wanakul, Alhamdulillah, Rabbil Alamin.